voir. Maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Daniel Guichard, mon vieux, sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 21 novembre. Il n'y a pas beaucoup d'anniversaires ce matin, ça va être rapide. On commence en 1943 avec la naissance de Jacques Lafitte, ancien coureur automobile français qui a disputé 176 Grands Prix de Formule 1 et remporté 6 victoires entre 1974 et 1986. 1945, naissance de Goldie Hawn, actrice américaine vue dans Fleur de Cactus dans le rôle de Toni Simons, récompensée de l'Oscar du meilleur second rôle féminin, ou encore dans Tout le monde dit I love you dans le rôle de Stéphie Dandridge. 1948, naissance de Daniel Guichard, chanteur français. 1963, naissance de Nicolette Sheridan, actrice britannique vue dans la série télé Côte Ouest dans le rôle de Paige Matheson, Desperate Housewives dans le rôle d'Eddie Britt. Entre 2018 et 2019, elle a joué dans la série Dynasty le rôle d'Alexis Morel Carrington. 1965, naissance de Björk, chanteuse islandaise. 1984, naissance de Jenna Malone, actrice américaine vue dans En eau trouble, Orgueil et préjugés dans le rôle de Lydia Bennett, Into the Wild dans le rôle de Karine McCandless, Hunger Games l'embrasement et Hunger Games la révolte partie 1 et partie 2 dans le rôle de Johanna Mason. 1985, naissance de Carly Rae Jepsen, chanteuse canadienne. Et enfin, on termine en 1989 avec la naissance d'Antoine Roussel, joueur franco-canadien de hockey sur glace qui évolue en NHL depuis 2012. De 2012 à 2018, il a joué pour les Stars de Dallas et depuis la saison dernière, il joue pour les Canucks de Vancouver. Et il se remet tout doucement d'une blessure. On va tout de suite s'écouter Björk avec son titre « It's all so quiet ». Oh, so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until. About a guy, you wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet. It's over. And then it's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh, starts another big riot. Et voilà, c'était Björk avec le titre It's So So Quiet sur le 107FM. Il est presque 8h42 et comme on a du temps ce matin, on va faire un point sur un événement, un billet de sortie, hein, comme on appelle ça. C'est sur une pièce de théâtre à Saint-Nabor. On écoute ça tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107FM. C'est Chris et aujourd'hui je reçois Monsieur Daniel Sakar au téléphone pour nous parler d'un spectacle qui aura lieu le 29 novembre. Bonjour Monsieur Sakar. Bonjour. Alors pouvez-vous nous parler de ce spectacle ? Oui, alors donc c'est un spectacle qui est organisé par l'Office municipal de la culture et des loisirs de Saint-Nabor. D'accord. C'est une petite pièce de théâtre dont les acteurs sont M. Guy Montagnier et Mme Sylvie Raboutet. Voilà. Donc ils viennent le 29 novembre à 20h30 au centre socioculturel de Saint-Nabor pour présenter une pièce qui s'appelle Pépette et Papy à l'Élysée. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a rien derrière par rapport aux actions. D'accord. Voilà. Voilà. Donc ils ne seront que deux sur scène ? Ils sont deux sur scène et ils ont un régisseur. Bon, enfin bon, le régisseur, oui. Voilà. Il n'est pas sur scène. C'est la technique essentiellement. Voilà. D'accord. C'est à 20h30, c'est ça ? Alors, c'est à 20h30 au centre socioculturel. Oui. Pour l'instant, on est en train de faire des réservations. Donc, c'est mon épouse qui s'en charge. D'accord. On fait des réservations. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de place. Il faut vous dire ce qu'il y a. On a des gradins sans prix. On a mis des chaises devant. Voilà. Le numéro de téléphone, je peux peut-être le donner ? Oui, bien sûr, oui. Hein ? Donc, pour les réservations, le numéro de téléphone, c'est le 06 23 44 86 59. D'accord. Voilà. L'entrée est payante ou gratuite ? Alors, l'entrée est payante. On a des chaises et des gradins. Donc, les gradins, ils sont à 25 euros. Mais bon, comme je vous l'ai dit, les gradins, ils sont pris. C'est complet. Les chaises, elles sont à 20 euros. C'est-à-dire que les chaises, elles sont devant les gradins, entre les gradins et la scène. D'accord. Et ce centre socioculturel, il peut accueillir combien de personnes maximum ? Maximum ? Là, on est dans une salle de 600 mètres carrés, donc on va accueillir, pour l'instant, on est dans les 500-600 personnes à peu près. D'accord. Voilà. Un dernier mot, peut-être ? Oui. Je vous écoute. Non, bah, après, j'espère qu'on va réussir cette manifestation et puis que tout le monde sera content. Voilà. Voilà le dernier mot. D'accord. C'est la seule date, c'est la dernière date ? Là, on n'a qu'une seule date, c'est d'accord. Un vendredi soir. Oui. Hein, ça change un petit peu de l'habitude. D'habitude, c'est toujours le samedi. Là, c'est un vendredi soir. Guy Montagnier, il est libre qu'à cette date-là. Donc, voilà. Voilà pourquoi on fait ça le vendredi soir. D'accord. Donc, sachant que Guy Montagnier, c'est quand même un ancien de la télé et tout ça. Bon, il est assez connu quand même par pas mal de personnes. D'accord. Donc, pas par les jeunes, mais plus par les anciens. D'accord. Voilà. Donc on rappelle les éléments essentiels. Donc ça se passe le 29 novembre. Alors le 29 novembre à 20h30 au centre socioculturel à Saint-Nabor. D'accord. Eh bien je vous remercie d'avoir pris quelques temps pour nous parler de cette petite manifestation. Ben, je vous en prie. Et puis moi qui vous remercie. Et puis on vous souhaite toute la réussite pour cette manifestation. Merci qui s'annonce beaucoup. Très intéressante. Merci beaucoup. Merci. Merci Chris. Allez, tout de suite à 8h45, on parle météo. La météo. Alors, pour ce matin, il y a des nuages. À Saint-Étienne, on voit un petit peu de ciel bleu et le soleil qui commence à pointer le bout de son nez. Mais il se pourrait que par endroit, il y ait quelques gouttes de pluie ce matin. Et avec les températures fraîches, ça peut éventuellement se transformer en verglas. Donc, soyez quand même vigilants. On ne le répétera pas assez. Donc, pour cet après-midi, normalement, ça devrait être principalement là des éclaircies. Des températures comprises entre 0 et 1 degré ce matin. Entre 8 et 9 degrés prévus pour cet après-midi. Demain vendredi, ce sera mitigé puisqu'on devrait commencer la journée avec de la pluie et ensuite avoir quelques éclaircies. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour vendredi après-midi. Samedi devrait être une journée placée sous le signe des éclaircies. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 8 et 10 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file faire tout de suite un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On traverse l'Atlantique, on parle basket et on fait un point NBA. Soirée mitigée pour nos Français puisque Tilikina avec l'équipe de New York s'est inclinée face à Philadelphie 109 à 104, 17 points tout de même pour le Français. L'équipe de Washington de Miami blessée s'est imposée face aux Spurs de San Antonio. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum à 3 points et 5 rebonds s'est inclinée face à Brooklyn 101 à 91. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier tout de même à 21 points s'est inclinée face à Toronto 113 à 97. Et l'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est imposée au Minnesota 95 à 103. 12 points et 15 rebonds pour le Français. On termine avec du tennis. Hier, la Serbie a battu le Japon 3-0. Le Japon est donc éliminé de la Coupe Davis. À partir de 11h ce matin, c'est France-Serbie dans cette Coupe Davis. Victoire impérative pour nos Français s'ils veulent terminer à la première place du groupe. Si malheureusement la France venait à s'incliner face à l'équipe serbe de Novak Djokovic, eh bien il faudrait attendre les résultats des autres équipes pour voir si la France termine dans les deux meilleurs deuxièmes. Mais bon, on va croiser les doigts, les pieds, tout ce qu'on peut et pourquoi pas espérer une victoire de l'équipe de France face à la Serbie. C'est pas mission impossible, certes ça va être compliqué, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Allez les Bleus! Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite écouter Carly Rae Jepsen avec son tube « Call Me Maybe ». In the well, don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met.